Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Joule. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle semaine avec Monsieur Joule qui est là de retour dans Planète Rap. Alors, ça va ou quoi? Bah et toi? Ça va, peut-être. J'ai envie de te dire, cette journée, est-ce que tu as vu la place que tu occupes? Ouais, bah. Parmi les meilleures ventes en France? Ah, ça fait plaisir. Directement numéro 1? Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, directement numéro 1. Ce matin, tu te réveilles, tu regardes, bim. Joule, je trouve pas le sommeil. Voilà, bim dans la tête. Bim dans la tête, numéro 1. Maintenant, c'était une belle journée, je sais pas si t'as suivi un petit peu pour le rap français aujourd'hui. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morceaux qui sont arrivés. Non. Il y a le Caris qui est arrivé, le 80 The Trait, peut-être qu'on aura le temps de le passer. Il y a le morceau aussi qui est numéro 1, mais en single cette fois-ci. Le morceau de Dossé avec Joke et avec Gradure qu'on vous passera dans quelques minutes aussi, que vous allez pouvoir découvrir. Ouais. Bref, et puis donc numéro 1 aujourd'hui, Joule, cet album. J'avais même annoncé pratiquement un double album, mais on peut dire, hein, parce que il est bien chargé l'album. Ouais, c'est-à-dire voilà. Que comme d'hab, t'as rempli la galette. C'est ça qu'il faut. 20 morceaux qu'on va pouvoir découvrir cette semaine. C'est ça, avec 3 bonus aussi sur iTunes. J'ai mis 3 bonus. Et voilà, 20 morceaux. Au début, je comptais faire un double album. C'est ce qui était annoncé d'ailleurs, un double album. Voilà, mais j'ai préféré choisir les meilleurs morceaux. Et préféré t'arrêter à 20 titres, ça va. Ça va. S'arrêter à 20 titres, ça va quand même. Pépère. Bon, il y a une bonne équipe de la Liga One qui est là aussi, qu'on salue avec toi entre. Alors, la Liga One, elle est là ce soir. Ouais, je me disais, j'ai connu les Marseillais plus agités. Quoi. Ah, c'est rien, c'est que le début. C'est que le début, c'est pour ça en fait. Allez, on va saluer DJ Abdel qui est aussi au platine cette semaine, qui sera là. Abdel, comment va? Ça va et toi, Fred? En pleine forme? Super. Bon, un petit mot sur Joule, content de bosser avec lui. Bah ouais, un honneur, très content de bosser avec lui. Voilà. Et ben, on va pouvoir découvrir cet album. Ce qu'on a préparé par contre, Joule, avant de balancer le morceau, je trouve pas le sommeil, c'est un petit medley avec des anciens morceaux, des nouveaux titres de cet album, pour avoir un petit aperçu, de l'album Je trouve pas le sommeil qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Planet Rap. C'est la crise au mic, mec, sur Skyrock dans Planet Rap. Monsieur Joule, comment va? Alors, ça va ou quoi? Bah, et toi, ça fait plaisir de t'avoir. C'est ta première semaine dans Planet Rap. Je suis dans ma paranoïa. Le phénomène marseillais. Salut, Joule. C'est Joule qui est avec nous ce soir sur Skyrock. Et laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Je touche pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte que l'on sème, c'est la même joie les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte que l'on sème, c'est la même joie les jours qui se répètent. Je sais plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'en rends fou. Je vois que toi de partout, mais toi de manger. Je perds mes mots, je sais plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'en rends fou. Je vois que toi de partout, mais toi de manger. Planète Rap. Que je le pénètre, à Marseille c'est les bons mecs. L'une le pente et s'avance pour Mortadon. Farfaï, Tico de Mandor, on n'a pas le bras long. Avec à toi j'ai pris un bon pactole. Nique bien leur grand-mère, ce qu'on va piger. Combien on brasse et des tonnes aujourd'hui. Ce serait pour moi que DJ. Toi tu parles de moi, connais-tu mon véhicule? Les gens voient comme une star, pourtant je marche en sécu. J'arrive en jogging dans les soirées où les gens mettent des cravates. J'arrive bien, je repars rabat. J'ai vu ton bis, pour moi tu n'es qu'un fils de sapin. J'ai envie de te fouetter, tu fais le mec en temps pas quand t'appelles. Le parcours de ma vie est rude, faut souffrir mais guérir. Crois pas que tu me moques de toi, gros, c'est juste que tu me fais rire. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'joue pas le brigandé. Planet Rap. Voilà l'aperçu de Jul et l'album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui entre 20h et 21h. Est-ce qu'il a été compliqué à faire Jul cet album? Ou c'est un petit peu le même principe que le précédent et les précédents projets? Ouais, c'était le même principe, toujours pareil, on travaille au feeling, dans le studio, toujours on compose. Donc toi tu composes, t'écris? J'écris, des fois je m'enregistre. Tu fais tout en même temps en fait. Je pars en courant dans la cabine. Non mais c'est vrai que c'est fait d'une manière artisanale, tu fais tout, que ce soit les sons, voilà. L'écriture. En plus, le truc c'est que quand je fais mes instrus, je fais l'instru et j'aime bien faire le son d'entrée, genre je veux pas partir du studio sans faire mon son. Donc ça avance vite. Des fois je fais des 200 par soir, des fois j'en fais qu'un, des fois j'en fais encore plus. Et voilà, là, l'album il s'est travaillé, on va dire sur un mois et demi. Un mois et demi pour 20 morceaux. Voilà, je les ai pas tous choisis en fait, j'en ai fait 30, un truc comme ça. Ah oui, même carrément, donc un mois et demi tu fais 30 morceaux. Voilà, j'en ai fait 30, un truc comme un ça. Un par jour quoi. Et après. Grosso modo en moyenne. Voilà, tous les jours au studio. Et après j'avais au moins 20-25 sons. Je comptais faire l'album comme ça et juste avant d'envoyer au mix et au master, j'ai fait encore 5 sons en Belgique et je les ai rajoutés dans l'album. Et voilà, c'est ce qui a fait ce gros album. Et d'où le nom aussi, Je trouve pas le sommeil, parce que quand est-ce que tu dors, j'ai envie de te demander, Jul, jamais. Jamais. Jamais presque. Je suis toujours là. Ils peuvent le voir sur Facebook, les gens. Ou très rarement. À n'importe quelle heure, j'envoie un son. C'est vrai que tu peux envoyer des sons à n'importe quel moment si on te suit, ouais, sur voilà. Les réseaux sociaux. Bon, débute avec Je trouve pas le sommeil, c'est parti. Allez, c'est bon. Abdel, quand tu veux. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sait. Dédicace à tous les prisonniers de France. Voilà, dédicace à Barbas, à Gilles, à lui, à la Farlette. Dédicace à Madame. Je suis blessé, faut me parler. Je veux m'en aller. Je vois le mal partout. On me dit, Dieu, il faut y aller. Bon Dieu, aidez-moi. Je veux des choses qu'il faut pas. Les gens, ils te manquent pas. Quand tu fais plus d'un faux pas. Quand tu me vois, tu ris. Tu fais comme si t'es mon frère. T'aimes pas les gens comme toi. Mes potos, comment faire? Occupe-toi de ta life. Sache que moi, je suis pas les autres. Je reste éveillé toute la night. Parce que dans ma tête, c'est le désordre. Je fais ma vie comme je peux. Je fais un peu comme je veux. Dites-moi si je tourne en rond. Car des fois, je pète un plan. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. Dédicace à Charlie, mon manager que j'aime. Voilà, dédicace à Lina. Tu fais le gros mec quand ils sont face. Non, tu parles pas, t'es cool. T'es comme cette fille qui sait s'aller. T'es comme ce mec qui se cache, qui critique dans les coms. Trop des fils de, des traits de piste. Ils observent tous tes gestes. Faudrait leur faire un film de. Personne n'oublie personne. Mais pas de vodka. Ça pourrait venir te fumer quand tu te mets sous vodka. Combien de moi je suis là. Quand y'a un bruit, ça saute pas. Combien change de camp comme de slip. La vérité, ça me choque pas. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Voilà, dédicace à Tota, Brahim, Badis, Adji, mon monstre, à Flo GP, à Gilou, Dexter, Alain, JM, Couille, Batata, Luine, Barbas, à la Farlette, à Jean-Pierre, de Bastien, au Ponté, à la Mine, Schmetta, Freeze, au petit Medji en cellule avec Nadjib, dédicace à Amada, à Salon, à Sassou, Medji, dédicace à Bob, on se rend toujours pas en cabale, à Christophe et Marc du Coquet, dédicace au bar, le moderne. T'es G&G Dadou. C'est la crise au mic, mec, sur Skyrock. J'en ai mal à la tête. On rigole ce que l'on aime. C'est la même voix, les jours qui se répètent. Pas le sommeil. C'est Joule, notre invité toute la semaine, entre 20 et 21. Je trouve pas le sommeil, c'est aussi l'album qui est sorti aujourd'hui, qui est numéro 1 des ventes. Depuis hier soir même, pratiquement, l'album. Mmh. Ça t'a surpris ou pas, Joule? Tu t'y attendais? Ouais, de bon matin, j'ai eu une bonne surprise. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Bon, tu t'attendais quand même, il y a un engouement, tu le sens, de toute façon, t'as senti. La vérité, j'ai senti, mais sans plus. Pas comme au début. J'ai pas senti comme ça, comme au début dans la... Dans ma paranoïa, au début, personne ne savait. Je suis arrivé, d'un coup, ouais. J'entendais de partout. Là, je ne sais pas, ça ne me fait pas pareil. Mais je sais pas, ça ne me fait pas pareil. Je n'ai pas senti comme le. Comment t'expliques? C'est quoi? Parce que tu étais plus en retrait? Tu t'es mis... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est une sensation. C'est une sensation. Qu'on va découvrir toute la semaine entre 20 et 21. Voilà. Avec cet album de Joule, Je trouve pas le sommeil. Un petit vrai ou faux, tout ce qu'on voit sur le net, tout ce qui se dit. Tu me dis vrai ou faux, des choses qui te touchent, qui te touchent pas par exemple. Okay. Les critiques qui visent ton rap te donnent encore plus envie de continuer. Vrai ou faux? Bien sûr, vrai. Bah, il y a un morceau d'ailleurs qui ouvre l'album qui s'appelle Message orageux. C'est ça. Ouais, qu'on écoutera peut-être d'ailleurs ce soir. Bien sûr, on va l'écouter. Message orageux, c'est un son pour les jaloux. Voilà, c'est pour les gens qui me critiquent. Alors que moi, voilà, je suis là, je suis en indé. Je fais des disques d'or, des disques de platine. Tout ça, et ça me critique. Voilà. Bah, en même temps, c'est un peu le revers de la médaille. Voilà, quelque part. Après, c'est avec, on m'a dit qu'avec le succès, bah oui, généralement. Les jaloux se multiplient. Et t'as senti que là, ils s'étaient multipliés par contre, voilà, ces là, derniers ils sont... mois. Ouais, ils sont beaucoup multipliés, mais c'est pas grave, ils me font le buzz. Et il y a donc le morceau qu'on écoutera tout à l'heure qui s'appelle Message orageux qui ouvre l'album. Voilà. Vrai ou faux, tu vas faire un son avec Gims? C'est à voir ça. Ça, tu peux rien dire ou... On peut pas, non, je sais pas encore. Peut-être. Mais c'est quelqu'un qui te touche en particulier, Gims, que t'aimes bien. Ouais. Ouais, j'aime bien Gims. Bon, on lui posera peut-être la question parce qu'il vient chez Difool tout à l'heure, Gims. Il vient avec Mac Tailleur tout à l'heure, à pas louper entre 21h et minuit. Donc, ça serait bien. On verra tout à l'heure, on lui demandera. Ouais, vas-y. Comme t'es là cette semaine. Vrai ou faux, tu habites plus à Marseille? Faux. Toujours à Marseille, toujours marseillais? Toujours dans mon quartier. Toujours supporter de l'OM? Toujours supporter de l'OM, bien sûr. Ça n'a pas changé? Ça ne change pas, on change pas les habitudes. Tiens, rappelle-nous le quartier, toi, ton quartier, Joule. Saint-Jean-la-Puenta. Saint-Jean-la-Puenta. 1-3-5. Voilà, 5e arrondissement, le secteur. Bon, vrai ou faux, tu voulais aller arrêter le rap, notamment suite à la tragédie que tu as vécue il y a quelques mois de cela? Faux. Faux? Tu voulais continuer? Encore plus. Ouais. Encore plus? Bon, il faut dire que c'est un moment particulier, celui qui était ton manager. Voilà, ça après je préfère pas trop en parler si c'est possible. Ben, on va pas en parler, non. C'est bon. Ouais, mais par rapport à ça, j'ai encore dis ça plus parce envie. Que t'en fais une belle dédicace aussi dans l'album, tu le dis. Bien sûr. Ouais, après, on va pas rentrer dans l'histoire parce que c'est une histoire qui est évidemment douloureuse. Voilà. Et pour les proches et pour tout ça. Mais ça n'a pas été une motivation pour un moment se dire bon, tout ce qu'on traverse dans la vie fait que parfois t'as envie de prendre du recul, faire autre chose. Non, moi j'ai pas envie d'arrêter. Pour lui, je vais continuer encore plus et je vais tout péter pour lui. Et bah là c'est bien parti. Okay, voilà, je suis super content pour lui. Je trouve pas le sommeil, c'est l'album qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Qu'est-ce qu'on met? On met le message orageux maintenant? Ouais, vas-y. Tu veux qu'on le balance? Ouais, vas-y. Comme ça on évacue ça tout de suite. Voilà. C'est le morceau en même temps qui est important parce qu'il ouvre l'album. C'est ça. Donc je me dis que c'est quand même des trucs qui touchent pour en faire un morceau, que ça ouvre l'album. Ouais, ça touche d'un côté, mais après quand j'y pense, je me dis voilà, la réponse elle est là, sur le son. Voilà ce que je me dis sur le son. On l'écoute, Abdel. C'est parti. DJ Abdel. Message orageux, bande d'enfoirés. C'est la crise au mic, mec. Espèce de victime, tu vois que je suis calme, tu fais le voyou, tu te crames. Tu transportes, ok, mais y'a rien à toi, ni la drogue, ni les armes. Tu vois, ta clip, vous êtes des ânes. Je peux pas en dire plus, pour moi, vous êtes des gamins. Aujourd'hui, je suis très très vénère, tu vois l'instru, je le pénètre. Moi, si tu le, je verse le rap comme si c'était moi qui l'avais fait naître. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Encore la dance? Sur le bitume, sur mon tapis volant, je vole comme Aladdin. Je veux pas comprendre, tu loues à croire que t'as rien dans la tête. Si tu crois que tu pourrais me faire partir de ma tête, sur la une, t'as la traîne. Je fais des thunes, tu fais de la peine. Est-ce que t'or, sans études, l'industrie, j'ai la ken. Look at me now, pourquoi tu t'énerves? J'ai une dégaine des civils, rien que ton look m'énerve. Marche de ces faux qui me foutent les nerfs. Écoute maintenant, je vais me barrer pour avoir une vue sur la mer. Marie, mais ta mère, j'ai le cœur sur la main. T'imagines même pas ce que mérite ma mère. J'ai vu tes manières, mais tu sais ce qui m'anime? C'est de voir la foule crier Joule, tu sais qui manie. Hein? T'as vu Scarface donc, tu sais qui c'est Mani. T'as vu les Tres Puntos donc, tu sais qui c'est tes amis. Hein? Ça la crise au mic, mec. J'ai fini maintenant, j'arrête ces comptes par face. Ouais. Le gros, tu fais que suivre le monde. Faut savoir qui va être là quand tu vas être seul dans le groupe. Je suis comme dans Scarface. C'est fini maintenant, s'arrête, c'est compte par face. Je rappe pour ma vie, les stories de ma ville. Moi je reste le même, même routine, même habit. Ami ou ennemi, maintenant je sais qui. Qui osent se mettre en travers de ma route que je les quille. Que tu parles pour rien, tu te prends pour ce que tu n'es pas. Que tu dis j'ai entendu ça, mais toi tu ne sais pas. Que les gamberges sont jaloux jusqu'à très tard devant les faits. Y'a ceux qui sortent, y'a ceux qui séparent. Je suis blessé d'amour et même d'amitié. Que Dieu m'ait pas en action devant un ami tiré. J'ai voulu t'en donner, on m'a pas tant pris. Mais étant donné les circonstances, prends, je t'en prie. Ami, ennemi, je suis dans le tri. Chaque homme est pardonnable, je comprends pourquoi les gens prient. Je suis pas le plus fort, fais pas de moi ta légende. J'étais à terre, elle faisait la snette, maintenant elle écarte les jambes. De la haine, j'en vends qui en veut. En pointe sur l'autoroute de la vie, j'ai pas de triangle. J'ai pas signé de pacte, je fais pas de triangle. Regarde-moi dans les yeux, tu verras le yin et le yang. J'ai pas de gang, ils m'attendent au tournant, moi je les pèse à l'angle. J'évite les gens qui te font la bise et te tangue. Alors les jaloux, on est là. Eh ouais, ça la crie au mic. Je veux compter mes billets comme dans Scarface. C'est fini maintenant, ça règle ses comptes par face. Fais pas le gros, tu fais que suivre le move. Faut savoir qui va être là quand tu vas être seul dans le groupe. Je veux compter mes billets comme dans Scarface. Ouh. C'est fini maintenant, ça règle ses comptes par face. Ouh. Ouh. Je rappe ma vie, les stories de ma vie. Moi je reste le même, même routine, même habit. Je veux compter mes billets comme dans Scarface. C'est fini maintenant, ça règle ses comptes par face. Le gros, tu fais que suivre le move. Faut savoir qui va être là quand tu vas être seul dans le groupe. Je veux compter mes billets comme dans Scarface. Une dédicace à Zaki by Night, Younes, Zouak, Anna, Eji, Christine. Voilà, une grosse dédicace à Laï. Dédicace à Lounis, Kalilou, Dadinho, Petou, Nadir. Voilà, à Sofiane Larbi, à Néné, Pastek, à Croucho et Peach, Nico Prod, Amidou et Kakou, Carlos, Yacine de la Chicha Villa, Mohamed Ja, Chakri, Sofiane du 555 de Marrakech, Abash et Cacahuète de Grenoble. C'est la crise au mic, mec. Jules avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Je trouve pas le sommeil. C'est l'album qui est numéro 1 des ventes. Il est là tous les soirs entre 20 et 21. Et ce morceau, donc Message Orageux, ouais. Qui est né à quel moment celui-ci, Jules? C'est parce que c'est quoi, un ras-le-bol un moment? Tu dis, bah vas-y, c'est bon. Non, c'est. T'as regardé le message de trop sur les réseaux sociaux, le truc. Ouais, voilà, j'avais une petite rage envers ces gens-là. J'ai envoyé ce qu'il fallait au studio, quoi. Voilà. On va écouter d'autres morceaux ce soir entre 20 et 21. Qu'est-ce que tu veux qu'on passe? Alors, on va y avoir My Life. My Life. Voilà. Après, on va laisser en surprise le reste. Et bon, on va découvrir ça dans quelques minutes entre 20 et 21. Je disais donc une belle journée pour le rap français. Il est arrivé plein de choses aujourd'hui. Ouais. T'es numéro 1. Il y a un autre numéro 1, mais en single cette fois-ci. C'est le morceau, je sais pas si t'as écouté, de Dossé. Ouais, tu m'as dit tout à l'heure. Qui a été balancé avec Joke et Gradure. Ça s'appelle Coup du Patron. Numéro 1, single. On l'écoute tout de suite. Son projet de Dossé qui se prépare. Allez, vas-y. Durgra, Joki, pour mes OG, mes pulcra, Mengoki. Grosse liasse dans le blue jean, grosse paire de couilles à la poutine. Cousine, je suis à Orleans, ce que Jay-Z est à Brooklyn. Quand j'ai fait mon entrée dans ce jazz, tous ces bâtards ont croit vu que je viens de du terroir. Ouvre ta grand-mère et on te baise, on te fait repartir avec ta bite dans un tupperware. Igo la chronique, je la fume pas. Igo la chronique, je la défraie. Sale fils de pute, je t'aime bien, oui, mais je me préfère. Bitch, je te fais sauter la nuisette. Crash tout mon produit laitier dans les puisettes. Flot de la lâche-ca, froid de la lasca. Avec la délicatesse d'un Glock 17. Groupie, tu payes ta schneck. Même si t'as des frisettes. Yuri, vous baisse ta dep. Je suis le fucking best, c'est la moindre des choses que je puisse être. Ok, Yuri, Durgra, Joki, pour mes OG, mes pulcra, Mendoki. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu me feras plus le coup du patron. Tu baracles comme Obama. Je m'attends que tu t'arraques. Je m'attends que tu t'arraques comme Obama. Je m'attends que tu t'arraques. Je m'attends que tu t'arraques comme Obama. Obama, Obama, Obama. Je m'attends que tu t'arraques comme Obama. Comme Obama, Obama. La profonde, la pure, nique les puristes. Prends une ligne, étudie. Suce ma bite, t'as des tulipes. Un poulet braisé avec du riz. On rafale toute la place avec Yuri. Hop hop, petite pétasse, mais c'est du rite. Des points dans les culs, des points sur les i. On a grandi dans les chaudrons du pays. Produit dopant dans les urines. Trouve pas ma voix dans les urnes. Les autres soient sûrs qu'on les surine. On transforme un bœuf en légumes. Je suis jeune et maigre avec du bif. Plus de bif, du gros bif. Le bourreau martini à l'apéro. Ensuite je te mets une olive. Ramène plus de matos pour nous éliminer. Ça chauffe comme la terre promise. Pétasse fait pas ta diva. Je te prends par derrière comme une choriste. Ois, ois, la chatte à Gabriel Solis. Je m'introduis, me reproduis et laisse la capote dans ton lit. Ah. Ok, Yuri, Durga, Joki, Pourmet, Oji, mes pulcras, Mendoki. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Comme Obama, je m'en te cul d'Arakli. Je m'en le cul d'Arakli comme Obama. Moi je m'en te cul d'Arakli. Je m'en le cul d'Arakli comme Obama. Obama, Obama, Obama. Je m'en le cul d'Arakli comme Obama. Comme Obama, Obama. On te caillasse, on te rafale. 14-18, intifada. Pas de sahal, pas de sahal. Je te nique ta grand-mère, je te préviens pas. Faut que je revienne dans le game, niquer ses mères. Comme ce bâtard de noix, je suis qui a osé traiter ma mère. Bada, j'arrive, chibré, canon dans tes narines. C'est la moindre des choses, mademoiselle. Missile, sol, air dans tes ovaires. Je suis un soldat, pas un rappeur. Chez gay, nous on n'aime pas faire du scar. On sent le brolique, le doigt sur la cachette. Comme un doctier avec ton sang charge. Tous ces fils de pute de jaloux qui voulaient ma place, négro ne l'auront pas. Oui, j'ai baisé ta fille, j'ai pas mis la vodka. J'ai pris gosse et le trunk, je le rends pas. Non, je le rends pas, chaque son je me renforce. Le rap est mort, oui, don't give a fuck. Oui, je fais de la frappe, dans le trou je frappe. Petit mec costaud, tu connais gros gab. Ok, Yuri, Durga, Joki, Pourmet, Oji, mes pulcras, Mendoki. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Je mate le cul d'Arakli comme Obama. Je mate le cul d'Arakli. Je mate le cul d'Arakli comme Obama. Je mate le cul d'Arakli. Je mate le cul d'Arakli comme Obama. Chokizi, Dose, Yuri. Les numéro 1 du rap français sont sur Skyrock avec à l'instant le son. Bon le morceau, non? Ils ont fait un bon son. Ouais. Il est bon celui-ci. Ouais. Sur le projet de Dossé qui arrive avec Joke et Gradure, coup du patron. Donc je disais numéro 1 single et numéro 1 album, il est là. Ah, ça va, dans ça le studio cette semaine. Ça fait plaisir pour eux. Joule, à l'instant, à découvrir des extraits de l'album Je trouve pas le sommeil. Qu'est-ce qu'on passe alors dans quelques minutes, Joule? Alors dans quelques minutes, on va passer le son Je m'évade. Voilà, c'est un son, l'instru est fait par DJ Abdel. Donc je vais lui laisser l'occasion Abdel. De le balancer, ouais. Mais avant ça, je voudrais dire juste un petit truc. Vas-y. Parce que j'ai annoncé à ma team Joule que sur mon Facebook, j'allais leur annoncer une surprise ce soir à Skyrock. Donc voilà, dès que le Skyrock se finit, tout le monde sur ma page, Joule Saint-Jean-la-Pointe, il y aura une petite surprise pour vous. C'est bon Flo GP. Mais c'est quoi la surprise? Ah, la surprise. Je pensais que t'allais la surprise. Bon, ben vas-y, alors on va la dire. Ah oui, parce surprise. Que t'es là. Attends, c'est, si bon, la regarde, surprise, ça n'arrête que... pas. T'as annoncé déjà en disant il y a une surprise dans le Planète Rap. Après, tu annonces un autre truc à 21h. Qu'on sache tout de suite. Ben c'est que à minuit, là, j'ai envoyé un clip. Ouais. J'ai envoyé le clip de celui-là. Ben là, je leur envoie le clip nickel, là, de suite après, là. De suite après le Planète Rap, il y a le clip. Il y a des images qui arrivent. Il y a des images qui arrivent. Nickel, c'est un des morceaux, justement, qu'on passera peut-être aussi ce soir, je sais pas, comme tu veux. Non, on va pas le passer ce soir, on le passera. Demain. On le passera demain. Ou après-demain. Ou après-demain, on verra. Bon, là, dans quelques minutes, le morceau Je m'évade avec Abdel. Ouais, t'as pas fait toutes les prods sur cet album? J'ai fait. Il y a 4 prods. 4 prods que j'ai pas fait. 4 prods, dont combien, Abdel? Moi, une seule. Une seule. Une seule. Celle-ci. Et le reste, c'est Malka Prod. Une grosse dédicace à Malka Prod. Abdel, donc un petit mot sur celui-ci, Je m'évade. Comment c'est... D'ailleurs, la connexion, vous deux? Bah, la connexion, elle s'est faite en Belgique, quand il était en studio. Voilà, normalement c'était pas un morceau qui était fait pour son album. Il y avait pas mal d'anecdotes sur ce morceau. C'était pour mon projet personnel, mon futur album. Donc c'est un futur projet pour Abdel en quoi, 2015 Ouais, fin de, voilà, pour cet été. L'été 2015, voilà, il y aura du son d'Abdel. Donc, ils m'ont invité à Marseille, super accueil, on a fait le morceau. Les trois jours après, j'ai son manager qui m'appelle, il me dit j'ai un souci. Je lui dis bah je sais c'est quoi ton souci. C'est qu'on le veut pour l'album. Exactement. Il m'a dit tu l'as vu arriver. J'ai dit bah voilà, vas-y. Et puis bah voilà, il est retombé sur l'album. Mais ça veut dire que tu vas faire un autre morceau avec lui. Exactement. Voilà. Pour l'été 2015. Voilà. Et peut-être juste après ce Planète Rap, on va faire le son. Ah oui, il est pas fait encore, les gars. Non, il est pas fait. On va le faire peut-être ce soir. Voilà. Mais toi, t'as une idée particulière. Tiens, justement, bosser avec Jules, c'est quoi? T'as écouté beaucoup de ce qu'il faisait? Moi, ouais, ou... j'ai tout écouté. Tout écouté? Tout. Et tu t'es dit quoi? Tu dis, il faut que j'emmène sur quelque chose ou? Exactement. Voilà, pour mon projet personnel, ça va, je vais l'emmener sur vraiment quelque chose de différent de ce qu'il fait. Mmh. Voilà, sur ce morceau, j'ai vraiment analysé ce qu'il faisait. J'ai vraiment fait un morceau. C'est plus dans la lignée, quoi. Donc, c'est vraiment dans la lignée. Voilà. Le morceau s'appelle Je m'évade, on le découvre dans un instant. Freestyle par téléphone aussi, ça arrive, bougez pas, on revient après ça avec Jules. Les amis. Comme toi. Jules a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec Jules et l'album qui est numéro 1 des ventes, Je trouve pas le sommeil, on le découvre cette semaine, c'est un album complet, hein, 20 titres. Et même 3 de plus pour ceux qui le commandent dès maintenant sur iTunes. Allez-y, allez cliquer. Et il y a un morceau donc qui a été produit par DJ Abdel, qui est au platine. Un morceau qui s'appelle Je m'évade. On le balance maintenant. Allez. Jules, toute la semaine. En valeur, là je rigole avec toi, mais tu m'as déçu tout à l'heure. Avant j'avais pas de salaire, sur moi j'avais même pas l'heure. En Twingo assise dedans à 50 à l'heure. Parlez de moi en dresse, mais t'inquiète, je m'emballe. Tu me fais racheter, que je pardonne sans arrêt. C'est pour mes frères qui ont ma maison d'arrêt. Que tu me regardes quand je suis pas une légende d'arrêt. Je prends une nuit, j'ai vu ton boulet, m'a choqué. Je prends mon humus, si t'as besoin, je suis à côté. Poto, je t'aime, pardonne-moi si j'ai fauté. Je suis fier de moi, dis-moi qui va me faire sauter. Je suis gentil, mais gros, lève pas les mains. Je croyais que t'étais un frère, mais on n'est pas les mêmes. Je me dois d'avancer, d'être fort pour les miens. Trop de gens me critiquent, me foutent les nerfs. Ce soir je m'évade, j'ai bu de l'alcool, histoire d'oublier le malheur. Mais pour que ça, cette vie n'est pas drôle. Je vais finir par croire que j'ai pas de cœur. DJ Abdel, bouge ton boule. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Ce soir faut que j'ai dansé, que j'oublie mes soucis. Alors danse, danse, danse, danse. Ouais, ce soir faut que j'ai dansé, que j'oublie mes soucis. Alors danse, danse, danse, danse. Avant de m'en aller, je compte bien venir vous parler. Mais bon, pour l'instant, je fais comme si tout allait. Je me suis saoulé quand j'ai vu mes potes au palais. Quand j'ai vu leur mère pleurer des larmes salées. Mito Kain Capri dit qu'il touche la chalette. Qu'il a du fric en palette. Tu te rappelles, c'est Jules, celui qui avait pas one. Celui que tu calculais pas avant qu'il soit à Liga One. Hein? Demande à mon check. Moi, devant les flics, j'ai toujours dit c'est pas one. Tu fais le baillant, mais t'as croisé les doigts. Quand t'as croisé la douane. Tu m'as trahi, gros, c'est toi. Depuis, je mets pas sous les étoiles. Pour mes petits compatafs qui galèrent tous les jours au charbon, un camp, plus un malheur. 1-3-5. Personne voit leur mal-être. Pour rien, moins de valeur dans le cœur que dans une mallette. Ce soir, je m'évade. J'ai bu de l'alcool. Histoire d'oublier le malheur. Mais pour que ça, cette vie n'est pas drôle. Je vais finir par croire que j'ai pas de cœur. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Ce soir, faut que je danse et que j'oublie mes soucis. Danse, danse, danse, danse. Ouais, tout ça, faut que j'oublie mes soucis. Alors danse, danse, danse, danse. Voilà une grosse dédicace. À Toutou, à Vida Location. Voilà, Toutou et Jaco. Au Poissy, au Chicha numéro 1 à Marseille, à Saint-Maurent. Voilà, c'est la crise au Mike et Make. Une grosse dédicace à Nordine, au Bar Albert. Voilà, une bière achetée, une bière offerte. C'est la crise au Mike Make. Voilà, à tous les quartiers de Montpellier, à la Payette, à tous les quartiers de Nice, à l'Ariane, à tous les quartiers de Lyon, des Minguettes, Vaux, Vaux-en-Velin, à tous les quartiers de Roubaix, Tourcoing, à Orléans, à toutes les banlieues parisiennes, tous les quartiers de Marseille, à tous les ghettos de France et à toutes les prisons de France, bien sûr aussi. Une dédicace à Michael, à Lune. Voilà, c'est la crise au Mike Make. Ce soir faut que j'ai dansé, que j'oublie mes soucis. Alors danse, danse, Dédicace à mon monstre. Dédicace à la Dream Team Joule, Mortadan, Chico, Simo, Fabio, L'Ours, Walid, Najim, Bilka, Asdin, un Roumain, Baby Boy, frère, un Soso Z. Ouais, bim bim, c'est la crise au mic, mec. Et c'est avec Joule toute la semaine entre 20 et 21. Et puis, bah, ceux qui sont aussi dans le studio hein, ce soir avec toi, Joule. Ouais. Il n'y a pas que l'équipe Liga One, il y a plein de gens qui sont passés de voir. Là, il y a ceux du quartier. Ah oui, j'ai vu, mais j'ai vu aussi des maillots PSG, tu vois. Ouais, ça, c'est les poteaux de Paname. Ça. Bim bim, voilà. Des mecs qui portent des maillots. Qui sont acceptés. Il a le droit. Qu'est-ce qu'il veut. Bon, et tous ceux qui sont là avec toi entre 20 et 21, il y aura du live cette semaine, Joule. Bien sûr, à partir de demain. À partir de demain, à pas louper. Voilà, à partir de demain, on commence à envoyer les rafales de coups de batte dans le front, quoi. Dans un instant, un autre morceau. Là, celui-ci était produit par Abdel, qui est là, qui sera au platine aussi cette semaine entre 20 et 21. T'as voulu aller chercher d'autres producteurs. T'as demandé justement à des gens de te faire d'autres prods, Joule, ou pour cet album, ou c'était voilà, ou c'était à part Melka Prod. J'ai pas demandé parce que là-bas j'ai pas besoin. Ouais. Mais voilà, ça a fait du bien aussi quand même d'avoir un peu d'autres sortes d'instruments. Voilà, ça a fait. Ça c'est a un fait truc que... sur lequel tu vas aller dans l'avenir un peu. Tu vas aller chercher d'autres producteurs ou tu veux continuer à faire tout toi-même, parce que c'est aussi une marque de fabrique. Hein. Non, moi je continue comme ça. J'ai pas besoin pour l'instant du moins. Et bon, on écoutera un autre morceau dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on va mettre, le Malife? Ouais, on envoie Malife. Ça arrive dans un instant, mais juste avant, on a le freestyle par téléphone avec Yous de Montbéliard. Salut Yous. Salut l'équipe, ça va? Ça va et toi? Yeah, super, quand je vous entends, ça va. Eh ben, bienvenue dans le Planet Rap de Joule. Ça fait plaisir. Et à toi, Joule, ça va? Ça va et toi, tranquille? Bah, franchement, quand on t'écoute, ça va, tu lâches du bon son. Hein. Ouais. Tu as aimé l'album? Ça fait plaisir, ton nouveau album là, il est lourd. Tu l'as récupéré, je trouve pas le sommeil déjà? Bah bientôt, on va essayer quoi. Dans un instant, je vous poserai une question. Vous pourrez partir avec des albums dédicacés de Joule. Et toi, Yous, on t'écoute rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone? C'est parti, y'a pas de soucis. On y va, 1:30 pour tout déchirer. Ok, yeah. Direct de Skyrock, parfait. 1, tire. Ok, c'est que ça, parfait. Laissez passer le MC, ça bicrave que des royalties. Y'en a qui rêvent de royalties, tout tordu comme la tour de Pise. Moi je veux juste changer de galaxie, efficace comme les galactiques. Tu penses que c'est que te vient d'ailleurs? Non mec, c'est moi qui l'ai écrit, bigo. Vu comme une autre espèce. Et si on fait couler le sang, c'est pour gagner le respect. Depuis le temps j'ai avancé, soufflé, je n'ai plus le temps de terminer mes couplets. J'ai pas peur des couteaux comme une scène, on m'a déjà coupé. Fais du bif, toute ma mie, fais du bon son. Je rappe ma vie, mon vécu, ouais j'ai du bon sens. Et dans tout ça, j'ai la flemme, mais je m'allumène. Les mots qui me rendent mélomane, oui je suis un phénomène. J'élimine malement les mâles malhonnêtes. Le flow monte à la tête, je sens le mal et j'en ai malhonnête. Je dis style avec style, les mots de mon style. Au début, tu l'empêches, leur bouche, elle me stoppe et distille. Écoute le beat, c'est moi le marque, oui je débite. Prends mes démarques, fais-moi la passe pour que je marque. Quand je kick, appelle-moi la calash. Je kick et rap sale, pourtant je viens pas de Paname. Carnage infernal, la calash est passée par là. Je vis ma vie sans décalage, avec ses risques et dérapages. À mon avis, t'es de basage, profite de moi, j'suis que de passage. Tu kiffes le son, bouge la tête, tu es venu briser les ondes. Je rappe tellement vite que dans le jargon, on m'appelle petit électron. Ouais, je passe des beats et les ondes, oui mec, et frites et les sons. Passez-moi le mic. Histoire que je passais sur un son qui démonte. Yeah. Ok, Yous, à l'instant. Ça va bien. Hein. Je te démerde. Hein. Ah, ça fait plaisir. Allez, un peu de bruit pour le poteau. Sous les acclamations du studio voilà. Planet Rap, Yous. Ah, ça fait plaisir, l'équipe. Ah, en tout cas, je voulais placer une grosse dédicace à tous les gars de Mèche, tous les gars du Clou, à Amine, Hamza, les frérots, là, l'équipe, les GMP, Adrien, Martin, Julien, tous mes sous qui me suivent et surtout à l'équipe Skyrock. Donc ça fait plaisir franchement. Eh ben merci à toi Yous, on peut te suivre aussi sur le net, vas-y rappelle les adresses. Donc l'adresse c'est sur ma page Facebook, donc c'est Yous, Y-O-U-S-S apostrophe. Y-O-U-S-S apostrophe. Voilà. Pour aller dessus. Big up à la BCDR, un jeune groupe de rap aussi qui va cartonner dans pas longtemps. Eh ben merci à toi et merci à Montbéliard, ciao Yous. Allez ciao, prenez soin de vous. Ciao gros. Toute la semaine c'est Joule, notre invité entre 20 et 21. On découvre cet album qui est sorti aujourd'hui, qui est numéro 1 des ventes actuellement, qu'on peut avoir sur iTunes tout de suite avec en plus 3 morceaux. Voilà. En plus. Ça. Donc allez-y, allez cliquer et on est promis un titre qui s'appelle Malife. Tu veux dire un mot sur celui-ci? On va le découvrir là, on va le faire découvrir. Venez, on le fait découvrir. Allez, c'est parti maintenant. Une grosse dédicace à Silly. Cameraman number one. Tourne en ville en location avec mes potes, on fait pas les macs. Évite les putes, esquive les tacs. Travaille le mis qui nous traque. J'rappe le cerveau en vrac. Qu'est-ce qui t'arrive, tu regardes bizarre, poteau. On dirait que t'as pris du crack. T'es une victime, tu sers à rien. En plus, tu nous fais le mec qui gratte. Crois pas que j'me la raconte. Cherche-moi, j'te casse ta cote. Ne me cherche pas, j'te casse ta cote. Y'a des poteaux qui changent, d'autres qui sont restés les mêmes. Là où j'traîne, tu le connais, c'est ouais, ça va bien où c'est l'air. Ta copine, on la connaît. J'ai pas besoin qu'elle m'aime. Tes poteaux, j'les connais. Dis-leur qu'ils chantent pas trop comme eux. J'suis pas changé, j'suis comme maintenant. Tu veux me clash, j'ai plus 15 ans. Qu'on soit lui, nous, au beau mètre. Parce que ouais, ouais, ça, ouais, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, quand j'ai l'eau sous les poings coulés. J'te dis les choses en face, t'as l'air étonné. T'as senti de la merde, toi tu l'as donné. Tu vas pas me la faire à moi, on se connaît. Toi qui fais l'autre, c'est ce que t'as entendu. Perso, j'suis personne. J'roule pas en R6. J'ai les noms de personne. J'vois pas pourquoi tu persistes. J'peux rappeler derrière et en même temps faire bouger. Ouais, c'est normal, ouais. C'est nouveau, c'est frais. Le game est couché. Faut tailler si ton pote passe à ta. Les chemins pas à bas, les calculs pas à cas. À 4 sur un scout, les journalistes veulent un scoop. Ils veulent me descendre, ouais, je suis cramé vu ma coupe. À ce qu'il paraît, tu kiffes, mais quand tu me vois, tu m'ignores. On m'a dit, c'est des gens comme toi, qui veulent pas que tu fasses le million. Laisse-moi faire ma life. J'suis ailleurs, tu dis que j'ai coulé, ouais, moi j'vis la night. J'ai grandi l'eau sous les poings coulés. J'te dis les choses en face, t'as l'air étonné. Si ta mère, toi tu l'as donné, tu vas pas me la faire à moi. On se connaît, c'est plus toi qui fais l'homme, c'est ce que t'as dans ton nez. On cherche toutes des femmes fraîches, gros cul et gros tété. Faire un petit coup pépère et se mettre prêt pour tout l'été. Quand j'étais en galère, dis-moi où t'étais. Quand je sonnais avec mes fistons à chercher une villa où péter. Du balcon petit, mec ça chauffe, ça t'engraine. Y'en a qui aiment te voir en guerre avec les gens t'aimes. J'suis ailleurs qui dit que j'ai coulé, ouais moi j'vis la night. J'ai grandi l'eau sous les poings coulés. J't'ai dit les choses en face, t'as l'air étonné. T'as sorti de la merde, toi tu l'as donné. Tu vas pas me la faire à moi, on se connaît. C'est plus toi qui fais l'eau, c'est ce que t'as entendu. Laisse-moi faire ma life. J'suis ailleurs qui dit que j'ai coulé, ouais moi j'vis la night. Dédicace à tous les quartiers de Marseille, quartier nord, quartier sud. C'est la crise au mic, mec. T'as sorti de la merde, toi tu l'as donné. Tu vas pas me la faire à moi. C'est la crise au Mike Mec, 8 décembre dans les bacs, c'était aujourd'hui. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à ma team Joule. Un gros big up à vous, à tous ceux qui me suivent. Ne vous inquiétez pas, dans la semaine j'envoie du lourd. La team Joule présente avec le hashtag aussi Joule sur Skyrock. Vous balancez vos messages, vos questions à Joule 41759. Moi j'ai une question pour repartir avec l'album dédicacé de Joule. Question simple pour ceux qui suivent ton parcours. Comment s'appelle ton premier album? 41759, vous avez le nom. Alors avec le hashtag Joule sur Skyrock, vous envoyez la réponse, vous partez avec l'album dédicacé de Joule entre 20 et 21 sur Skyrock. À découvrir. Qu'est-ce qu'on met comme morceau maintenant, Joule? On va se mettre Arrête de parler. Arrête de parler. Voilà. Pareil, un morceau qui est né, qui t'a fait le son aussi, celui-ci, Arrête de parler. Voilà, ouais, c'est moi qui a fait l'instru. Mmh. Ouais. C'est moi qui a fait l'instru et voilà, ça c'est un son que franchement que j'apprécie beaucoup dans l'album. Et bon, l'écoute maintenant, on le découvre. Voilà. Arrête de parler. On découvre ça. États. Moi j'en ai bavé, je ne cesse d'en parler. J'ai toujours une dent contre l'État. Tu vois, viens me voir où je vis gros. Les petits veulent tous refaire carito. Ça se met beau gosse pour les militaires. Ils sont vite en leur tarot, non rien dans le frigo. Ils m'ont vu tout blanc, ils ont dit c'est qui ça. Un rappeur qui danse, ils ont dit c'est bizarre. C'est peut-être des gens proches qui me ragent. Sur mon son, y'a même leur meuf qui se lâche. Fais pas comme les autres, ne suis pas trop le mou. Vas-y doucement, doucement. J'ai du taf à faire, occupe-toi tes affaires. Je rappe tout le temps, tout le temps. Je crois que c'est mon année, ils sont tous fanés. Je mets tout le temps, tout le temps. Tu passes mon ami, tu n'es pas mon ami. On se voit quand coup de vent. Ouais, ouais, ouais. Arrête de parler. Mêle-toi un peu de ce qui te regarde. Arrête de t'emballer. T'en fais trop, je sens que tu t'égares. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Allez, arrête de parler. Mêle-toi un peu de ce qui te regarde. placard. Les chemins te placardent, là je mets au placard. L'ennemi est jaloux, donc poteau prend garde. Je ne suis pas eux, ils sont pas moi. Ils feront leur vie avec ou sans moi. T'as des problèmes avec la loi. Parce que tu crois que le monde est à toi. Encore de quitter ce décor. J'ai même rêvé que je m'envolais. Mettant bien les miens pour ne plus les voir voler. Ils voulaient d'argent, tu l'as passé. Il est parti au casin, il s'est fait raser. Y'a pas de véro. Chez nous, y'a pas de héros. Chez nous, après l'apéro, les jeunes comme les poursuites en baradéro. Chez nous, y'a pas de héros. Chez nous, y'a pas de héros. Chez nous, après l'apéro, les jeunes font des poursuites en baradéro. Arrête de parler, mets-toi un peu de qui te regarde. Arrête de t'emballer, t'en fais trop, je sens que tu t'égares. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Arrête de parler, mets-toi un peu de qui te regarde. Arrête de t'emballer, t'en fais trop, je sens que tu t'égares. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Allez, allez, oh. Une grosse dédicace à Yogo le pompe. À déjanté, au petit Moubarak, à Doum Doum, aux deux Wassim. Dites-moi si j'ai oublié à Teddy. Voilà, oh, c'est la crise, oh my god, mec. En direct de Skyrock. Je trouve pas le sommeil dans les packs. Numéro 1 sur iTunes. On va tout péter, c'est pour nous. J'oublie. Dédicace à Pif aussi en prison. DJ Abdel. À l'instant, arrête de parler. C'est extrait du nouvel album de Jul qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Je trouve pas le sommeil. Il y a beaucoup de messages aussi, beaucoup de demandes en disant est-ce que tu vas faire une tournée au moins avec cet album. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de tournée sur le précédent. Il y a eu quelques dates comme ça à droite à gauche. Ouais, pour l'instant il n'y a que des showcases. Ouais. Après moi aussi j'aimerais bien faire le Dôme par exemple à Marseille. À la maison. Mais d'abord je veux bien me préparer. Tu as vu, je veux pas faire ça à l'arrache. Ça il faut bien que je le prépare. Mmh. Une fois que je suis bien prêt, là je fais une grosse annonce. Et on va tout péter au Dôme, on va faire ce qu'il faut, quoi. Donc plutôt pour 2015. Ouais, j'espère. 2015. J'espère. Parce que pour l'instant, je pense que je suis pas prêt. Pour l'instant, les showcases, je les fais. En même temps, c'est vrai que ça a été vite aussi. Voilà, ces derniers temps, c'était vite. Voilà, tout s'est passé vite et tout. Donc là, moi, je pense que je suis pas prêt. Les showcases, je les fais les yeux fermés, mais. Bah, une scène après comme le Dôme, quand voilà. C'est quoi, 7-8 000 personnes, j'ai, le Dôme. J'ai envie de faire ça bien, c'est pour ça que. Ça prend du temps. C'est un truc que t'appréhendes la scène ou ça va, tu t'y fais petit à petit Non, là pour la scène, c'est-à-dire pour l'instant showcase. Ouais. Non, j'ai plus de boulot. Là, au début, j'avais la boule au ventre, tout ça, mais ça y est, c'est fini. Ouais, mais c'est un truc, ouais, qui t'appréhendais un petit peu de te présenter devant le public. Voilà, ben maintenant, non. Franchement, y a pas de souci. À chaque fois que j'arrive, de toute façon, c'est le feu. Je peux pas être mal comme ça devant les gens. Que je vois les gens qui parlent pas ou quoi ou qui bougent pas. Non, dans tous mes concerts c'est le feu et je remercie toutes les villes où je suis donc passé. Ça ouais, ça t'a porté quoi, ouais franchement. Ben le début dans ma paranoïa quand j'ai commencé, on a fait une petite tournée en camping-car et franchement c'est un conseil pour tous les rappeurs qui débutent et tout ça. C'est un grand conseil d'aller sur le terrain, de faire en camping-car, pas en camping-car avec les moyens du bord, on va dire. Nous on a fait ça. Rappelle-nous toi l'histoire, parce que c'est parti de quoi en fait le camping-car. Moi c'est parti que on devait sortir l'album dans la paranoïa. Ouais. Et on devait se faire connaître un peu de partout parce que ça, dans Marseille ça va, ça connaissait, ouais, les alentours, buzz, ouais. Tout ça. Mais après on voulait écarter la chose. On voulait élargir la chose. Et donc on a fait à peu près presque toutes les villes du sud. On n'avait pas fait le nord encore. Et franchement, c'est un grand plus. Vous avez dit, bah, le moyen de partir, c'est de prendre un camping-car et de, voilà, et de tracer, quoi. Voilà, on a fait le camp, on a pris le camping-car, on a passé. Et tu faisais quoi? Tu t'arrêtais dans des villes? Tu t'avais une installation qui, voilà. Alors moi, je mets. Que tu mettais en sauvage ou? On a fait tout ça en sauvage. Ouais, on est parti. Par exemple, on a annoncé le showcase le soir d'avant. Ouais. Et le lendemain, on arrivait. Donc c'était vraiment, franchement, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes rappeurs qui commencent, qui débutent. Faut aller sur le terrain, faut découvrir les gens, faut discuter avec eux, faut leur faire du bon son, et voilà. Mais aussi un grand conseil pour tous ceux qui débutent le rap, s'ils ont vraiment une envie dans la tête. S'ils ont vraiment envie de percer, d'être. C'est pas donné à tout le monde, mais ceux qui ont l'envie, je pense qu'ils peuvent, s'ils travaillent tous les jours. Tous les jours, donc c'est vraiment tous un boulot, jours, ouais, le travail. Voilà, c'est. Faut aimer ça, c'est une passion. Et qui te prend d'ailleurs forcément sur le côté vie privée, tout ça, c'est. Ah ouais, beaucoup. Sur la vie privée, voilà. Beaucoup. J'espère qu'on rattrapera le temps. Et bah là, en attendant, il y a l'album qui est sorti aujourd'hui, qui marche fort. On le découvre, on va finir avec un dernier morceau avant de se quitter, avant de retrouver Diffo de la Radio Libre, avec Gims qui débarque et Mac Taylor dans quelques minutes. Ouais. Qu'est-ce qu'on met, Jules? Alors là, c'était. Je trouve pas le sommeil, on l'a envoyé déjà. Hein. On l'a mis tout à l'heure, ouais. Alors moi, j'aimerais bien envoyer La Fusée. La Fusée? Ouais, c'est un de mes préférés de l'album. Décollage? Ouais, La Fusée, c'est. Franchement, c'est ce morceau où il me tient à cœur. Je suis parti dans un grand délire. Et on va essayer de faire un bon clip dessus, de bien faire tourner la chose. Et voilà. Tiens, on va aussi rappeler qu'il y a un nouveau clip qui arrive là dans, allez, un quart d'heure, un gros quart d'heure. Voilà, un gros quart d'heure, le clip niqueleux qui arrive. Rendez-vous sur ma page, Jules Saint-Jean La Pointa. Voilà, il y a 300 et quelques mille abonnés. Venez sur ma page et découvrez le clip, c'est de la tuerie. C'est la crise, oh my God. Et là, en attendant, on fait décoller la fusée, Jules. Chétane qui traîne, crois pas que tu m'y tonnes, y'a beaucoup de gens qui t'aiment. Tu dis que tu m'aimes, mais dans quel camp tirer? Si tu veux t'en sortir sans tirer. J'pense quand j'étais petit à tout ce qui m'a tiré. La galère, je l'ai vécu, dis-moi pourquoi je m'en tirais. Quand j'ai pas du rap, c'est la fusée, on dira. J'croyais que c'était quelqu'un de bien, mais c'était qu'un mirage. J'en fume en travers dans le virage. Et c'est pas ma faute, si y'a tout le quartier qui rage. Et sois pas choqué si tu vois Joule en direct. Fais pas le fou pour une sauce, tu vas te prendre un direct. Quand c'est Joule, ça vient d'ailleurs. Je viens foutre mon fire. Il parle de moi, il me rabaisse. Devant moi, il fait pas trop le balèze. Écoute ça, gros, ça vient de la tête. La devise, tu connais le mic, faut que je l'agresse. Pourquoi tu me fais le gros fit? Le voyou, t'inquiète, je sais le faire moi aussi. Mes potes en fument au shit. Voilà, chez chaque mandalou, c'est moi aussi. Y'a des fous partout, donc tu parles le héros. Y'a des traits de passion, mais je quitterai pas le ghetto. J'ai en buvette, faut voir pas, je pilote. La main sur le passager, faut que j'arrache sa culotte. Je déteste les gens qui testent. Les tasses qui parlent pour rien qui flèche. Tu me jalouses, mais pour ta soeur, je suis loin, tu le baisses. Tu frappes des petits après, tu dis que tu casses des têtes. Ouais. C'est très jeune, mais elle, j'ai t'aime qui traîne. Tu m'étonnes, y'a beaucoup de gens qui t'aiment. Tu dis que tu m'aimes, mais dans quel camp tu es? Si tu veux t'en sortir sans tirer. Je pense quand j'étais petit à tout ce qui m'a tiré. La galère, je l'ai vécu, dis-moi pourquoi je m'en tirais. Toi, c'est pas du rap, c'est la fusée, on dira. Je croyais que c'était quelqu'un de bien, mais c'était qu'un mirage. J'en fumais en travers dans le virage. Et c'est pas ma faute, c'est à tout le quartier qui rage. Et sois pas choqué si tu vois Joule en direct. Fais pas le fou pour une toffe, tu vas te prendre un direct. Fais ta folle, dans le fond, je m'affole. Et fais ton fou, dans le fond, je m'en. Et fais ta folle. Fais ta folle, dans le fond, je m'affole. Et fais ton fou, dans le fond, je m'en fous. J'suis dans mon Dell, j'ai un scoot de capre. En bruit, t'inquiète, sous lit, j'ai caché le sable. J'en capte des petites. Et ne dis pas que c'est pas vrai. Et ne dis pas que c'est pas vrai. Mais je les pardonne. J'me la pète pas, moi j'suis qu'un homme. J'suis le même, je me prends pas pour un autre. Faut les fous d'or, c'est que des fantômes. Pourquoi dans ma vie y'a eu tant de drames? Pourquoi nos mères ont pleuré tant de larmes? Suffit d'une poussette et ça sort aux larmes. On finira poussière, il restera que l'âme. J'ai pas fini, donc vas-y, reste là. J'ai pas fini, donc vas-y, reste calme. Ça s'endort avec le calibre sur le matelas. Ça se fait réveiller avec la mag light. Ne crois pas que t'es au level, gros, t'es light. Pareil que ça prend tes Nike. Plus je prends de l'âge, plus j'ai envie de prendre le large. Je peux pas tourner la page. Je peux pas oublier le manager. Charlie, mon manager que j'aime. Voilà, numéro 1. C'est la crise au Mike et Make. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Tu dis que tu m'aimes, mais dans quel camp t'irais? Si tu veux t'en sortir sans tirer. Je pense que j'étais petit à tout ce qui m'a tiré. La galère, je l'ai vécu. Dis-moi pourquoi je m'en tirais. Je crois que c'est pas du rap, c'est la fusée, on dira. Je croyais que c'était quelqu'un de bien, mais c'était qu'un mirage. Je m'en fais mettre en travers dans le virage. Et c'est pas ma faute s'il y a tout le quartier qui rage. Et toi, pas choqué si tu vois du en direct. Fais pas le fou pour une chose, tu vas te prendre un direct. Fais ta folle, dans le fond, je m'affole. Et fais ton fou, dans le fond, je m'en fous. Et fais ta folle, dans le fond, je m'affole. Et fais ton fou, dans le fond, je m'en fous. Et fais ta folle, dans le fond, je m'affole. Et fais ton fou, dans le fond, je m'en fous. Et fais ta folle, dans le fond, je m'affole. Et fais ton fou, dans le fond, je m'en fous. Grosse dédicace à Saint-Jean, au quartier des alentours, Herbel. C'est la crise au mic, une grosse dédicace à fond vert. Une dédicace à Véridique. C'est la crise au mic, mec. Crise de rire. Crise de bœuf. Bon là j'ai pas dédicacé tout le monde, mais toute la semaine ceux que j'ai oubliés je vais les dédicacer, ne vous inquiétez pas si je vous oublie. La fusée à l'instant, c'est extrait de l'album qui est numéro 1 des ventes, celui de Jules qu'on découvre toute la semaine entre 20 et 21. Merci à toi Jules pour cette première soirée. Ben merci à toi hein. Avant de se quitter, on va faire tourner rapidement la roulette, c'est parti. Ouais. Yeah baby. Hey la famille. What up Fonny baby. Okay. Archie baby. La crise au mic mec. Skyrock t'offre la nouvelle compil urban music non-stop. Plus des chèques cadeaux de 80€. Émilie de Saint-Chamond, comment ça va Émilie? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, prête à faire tourner la roulette Émilie? Ah oui, j'attends. Allez on y va, on la lance, dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi c'est... Eh ben voilà la totale, Skyrock Urban Music non-stop, la compil les 80€ en bande d'achat, c'est pour toi Émilie. Super, merci. Avec les fêtes qui arrivent, ça va faire du bien. Ah ça c'est clair, merci beaucoup. Je te fais un bisou Émilie. Ciao Émilie, passe une bonne soirée. Oui. Merci à vous tous, merci à Jules, à toute l'équipe qui était là ce soir. Entre 20 et 21, tiens demain si vous voulez poser des questions à Jules, 41759 dès maintenant. Ou avec le hashtag Jules sur Skyrock, vous pourrez poser vos questions en direct à Jules cette semaine. Voilà. Merci à Abdel qui était au platine. Merci. Et à toute l'équipe qui était là. Voilà, un gros merci à toute l'équipe qui était là ce soir. En sachant que demain, je vais arriver avec un live. Et on va se faire un petit freestyle pour la fin. Et bah loupez pas. Comme la dernière semaine qu'on avait fait. Terrible. Ça t'avait plu la dernière fois? C'était une grosse semaine, donc j'espère que ce sera encore au-dessus cette semaine. On fera les comptes. Tranquille vendredi, tu me diras. Merci à toi Jules. Et merci à vous, un grand merci à tout le monde. Voilà. Une grosse dédicace à ma team Jules surtout. Ceux qui me suivent. Voilà. Une grosse dédicace à tout mon quartier qui s'est déplacé. Aussi. À Najib, Kurt. Baby Boy, Walid, Chico, Vizi, les poteaux de Bariol avec Kamikaze, tous les poteaux de Panama, Demon One, oh frérot Soso Z, dédicace à Pass, à G et un joyeux anniversaire à Yasmine. Merci à toi Jules qui est aussi nominé dans les votes Planète Printemps. Vous pouvez voter sur Skyrock FM pour aller défendre Jules. Et pour Jules et Pupu. Merci à vous, on va retrouver Difool maintenant sur Skyrock. Ouais. Salut Jules. Alors ça va ou quoi Difool? Ça va bien, content de te retrouver en tout cas ce soir. Moi aussi je suis content. Et voilà, l'album c'est parti. Numéro 1. Et déjà des ventes. Déjà numéro 1 dans Planète Rap toute la semaine. Jules, l'album à découvrir. Les freestyles en direct. Enfin bon, la totale tout. Et alors, au long de la semaine. Il y a une question à poser à Gims quand même, parce qu'il n'a pas voulu répondre. Jules, il a dit on va attendre. Alors qu'est-ce qu'il faut que je demande à Gims? Parce qu'il y a Gims qui vient ce soir dans l'émission. Voilà, savoir s'il va faire un feat avec Jules. Ouais. Ah, et pourquoi t'as pas voulu répondre Jules? Parce qu'ils savent pas encore. C'est peut-être ça en fait. Ouais. On va voir ça. Ouais. On va voir ça. On donc on va étudier la question de l'autre côté. Donc, si j'aimerais bien. J'aimerais bien quand même. Peut-être que vous allez avoir un scoop de votre côté. Peut-être. Une peut-être. Réponse avant minuit. Ouais. Maître Gims qui débarque avant minuit avec un son à vous faire découvrir, un son avec Mac Taylor. Ouais. Bah, c'était bien oh, dans terrible. Le coin. Ouais. Terrible le son. Ouais, il défonce. T'as écouté Fredo? Ouais, j'ai écouté. Connais tout avant tout le monde, le Fredo. Bah ouais, c'est ça. Ah, franchement, il défonce. Ah, Jifoul. Ouais. On va se retrouver dans la semaine. Viens nous voir. Viens nous voir. Quand tu veux, je pense. Eh ben, quand tu veux, on est là tous les soirs jusqu'à vendredi. Toi aussi. Donc. Vas-y, on va mettre le feu. Te casse. Oh, il y a moyen de se croiser d'ici vendredi. Bah, quand tu veux, tu viens, Jules. Ah, ça va, c'est bon, merci. Bah, venez commenter le match des PSG. C'est bien. Là, c'est bien ça. Ça, c'est mercredi ça. PSG Barcelone cette semaine. Ouais, ça c'est mercredi soir. On va rigoler. Ouais. Et il y aura peut-être un invité surprise jeudi aussi. Ah ok. Bah, une belle semaine qui s'annonce. Ouais, bah, je sais qui c'est. Et aussi, ah oui, ça j'ai oublié. Dans la semaine, je vais vous faire, je vais composer une instru en live de Skyrock. Ouais. Et je vais poser dessus. Ah d'accord. Cool. Ah, trop fort. Mais il va s'en passer des choses. Ça, je vais montrer vraiment aux gens que je sais faire ce. Je sais tout faire. Il sait tout faire. Et il sait tout faire. Il est là toute la semaine entre 20 et 21. Et demain soir entre 20 et 21 aussi. Allez. Et dans la semaine, dans la radio libre en plus. Allez. Voilà. Ouais. Voilà. Semaine bon. Jules. Et ce soir, Maître Gims, c'est quoi le titre que tu préfères de Gims, toi, Jules? Moi, de Gims. T'as un bel âge, me tire. T'as pris pour moi avec Masca. Aussi, bah, y Masca en a moi, j'aime bien. Murder par strangulation. Meurtre par strangulation. Ouais, voilà. Très ça bien. Va aller bien. Bon, bah, j'ai fait un remix d'ailleurs dessus. Bah, je vais vous demander à vous aussi, là, on va reparler dans un instant. Maître Gims qui débarque entre 21h et minuit, quelque part dans l'émission, avec un gros son à découvrir. Toute l'équipe qui est déjà là. Jules, le retour demain à 20h. Et puis nous, bah, c'est parti dans un instant sur Skyrock. Après, un petit soprano. Allez, bonne idée. On était à Marseille, on va rester dans le coin. Une grosse dédicace à Sopra aussi. Soprano, tu veux lequel de Sopra? Tu veux Cosmo, Fresh Prince? Fresh Prince. Allez, Fresh Prince. Remets-nous les glaçons. C'est Jules qui a choisi les glaçons là ce soir. Alors. Voilà. Remets-nous des glaçons. Eh ben, on se remet des glaçons tout de suite pour démarrer la soirée. Et c'est parti jusqu'à minuit, Radio Libre. Ciao, Jules. Salut, Fredo. Ciao.